Rai Suprême. 2h, DJ Case d'ambiance avec tous les sons du moment sur Skyrock. Are you ready? Bienvenue sur Skyrock, juste après la spéciale. Très content de vous retrouver. C'est Aymeric encore ce soir, ce dimanche soir. Je crois que Fredo te boycotte, Case. Ouais, il a pris des vacances prolongées. Bah oui, oui, il sera de retour, vous inquiétez pas. Il sera là demain pour Planet Rap et dimanche prochain. Rail Suprême, vous le savez, comme tous les dimanches, l'émission Rail de référence est sur Skyrock pour vous ambiancer parce que le week-end n'est pas terminé. On peut pas arrêter le week-end comme ça, Case. Non, on peut pas, non. Voilà. Et comme tu l'as indiqué, pour vous ambiancer, on va bien vous ambiancer là ce soir. C'est clair, gros programme comme tous les dimanches. Case au platine. 2 heures de mix et bien endiablé, interminable. Bon bah tant mieux, alors dans ce cas vous savez ce qu'il vous reste à faire, vous de votre côté, vous commentez, il y a l'application Skyrock, la nouvelle version, comme ça vous nous écoutez à fond dessus, vous nous balancez des petits messages dans le studio, on voit tout ça. Et puis le hashtag aussi qui fonctionne, hashtag Rail Suprême, on jette un œil sur vos tweets. Bon Rail Suprême, on est parti, Kaizoplatine, yes, let's go. Go. Allez Rail Suprême sur Skyrock, let's go. L'artiste Fidaloka. Skyrock, Rail Suprême, c'est DJ Case. Benga benga baila. Benga benga baila. Benga benga baila. Benga benga baila. Habillé chez des grands couturiers, j'ai jeté les clés aux voituriers. Pour boire des cinglés, danse de voyous, danse de guerriers. Là tout de suite il me faut 1 million. Un petit massage avec finition. Quand on arrive ça sent la corruption. J'roule en hybride, j'fais pas de pollution. J'lève mon verre aux absents. Des billets claques qui sont brillants. J'lève mon verre aux absents. Faut tomber 20 tous en prison. Les sacs vite tombent dans le coffre, dans le club, dans le bloc. On s'adapte à l'époque. J'partage la cagnotte, mon sirop, le sirop. Baby t'es mon copilote. Gauche droite, salsa ou rail. On t'apprend la danse des voyous. Brave les dangers, faut que les représailles. Ça c'est la danse des voyous. La rue nous colle à la peau. On va finir par se décimer. J'ai mon cigare, mon chapeau. Je vais vivre les rêves que j'ai dessinés. Ça c'est la danse des voyous. On t'apprend la danse des voyous. Vas-y danse comme un voyou. On t'apprend la danse des voyous. Bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam شهود عليا خبر البوليسية طلع لي ماشينا وانقص روحي قبال يا الله جوزي فين جوزي فين نادي الكيفية عطيني صوالحي ولك ودي روح لضرنا ويا الرومية الرومية ونادي الكيفية عطيني قلبي ولك ودي روح لضرنا ويا Kitty Mejani Noom, Dana Dana Dana, when it day me, I'm monde t'achète. Ton meilleur ami peut se trouver derrière la gâchette. Je trouve l'esprit, je fume un peu de hashish. Fais gaffe petit avec des sous à ta chaîne. Sans dégager, sans des bâtiments. Trop de sentiments, le regard vite à ta chaîne. Suis pas le sachez-le, moi j'ai galéré. MVDH, tapez-le, la loi emmerdée là. Lui, il se montre, regardez-le, envie d'y mettre des tartes là. J'oublie, j'observe la lune de mon matelas. Ya harabina, wille hagedouna. Baïnikoum, tibbatouna. Tous les dimanches soirs sur Skyrock pour Rai Suprême. Ma mère m'aurait bien vu à la place, Rachid Arabe. On ramenait jamais ce qu'on volait à la baraque, par peur de faire marave. Débrouillard, plus tout jeune, un gosse du Rachid System. Beurre et conscient de son potentiel. En France, si facile se retrouver au Hebs. Halafi, on trempe dans des coups, des trafics. Je suis toujours un petit reflet, toujours à l'affût, vicieux d'El Spa. Un débrouillard d'Istar, ça, c'est le coup de grippe, Rachid System. Pour ceux qui ont pas froid aux yeux, les adeptes extrêmes qui tentent de faire recette, se mangent des coups, se relèvent. Et parfois c'est fatal, ça semble interminable comme les djifadas. Avec les moyens du port dans tous les domaines, on a la hache, t'as les draps. Et je suis en tour ouvert aux critiques, photo. Aussi vrai que j'aime mon pays et que rien ne vaut. C'est l'arche du système, gros. Phénomène, ça donne toujours les regrets. Demande à Justin, on est toujours dans les temps. Mais peu importe si tu m'aimes, ouais. Tout tombe bien dans mon temps. Y'a trop de jalousie, à ce qui paraît je me dérange. On s'enjaille sur tes DJ case. À fond dans la caisse, à fond dans la tête. C'est les charges sur ton tel. Toi t'es plus le même, je crois t'es fou d'elle. Oh les problèmes. Appelle-moi pour un FIFA, appelle-moi pour un foot. T'en fais danser les défenses, nous. Fais lever la foule, bouge ton bassin sur l'épaule. C'est comme ça chez nous, je te donnerai bien mon phone. Mais ton père me regarde chelou. Miss, t'es trop belle, je vais te mali-malier. Direction le bled, c'est validé. Habiba, viens, j'ai besoin de m'évader. Morito à la main, calé sous les palmiers. Je les entends parler, ouais, allez, allez, allez. Pas que ça perd, moi, allez, allez, allez. Je crois que je vais m'en aller, moi, allez, allez, allez. Salam, salam, allez, allez, allez. Je t'ai allez, allez, allez, allez, allez, allez, allez, allez, allez, allez, allez, allez, allez, allez, allez, allez, allez, allez, allez, allez, allez, allez, allez, allez, allez, allez, allez, allez, allez, allez, allez, allez, allez, allez, allez, allez, allez, allez, allez, allez, allez, allez, allez, allez, allez, allez, allez, allez, allez, Suprême, c'est Skyrock. Et devant toi, j'ai baissé les armes. Et faites confiance en moi. Confiance en moi. Pas à pas, tu te dévoiles. Et devant toi, j'ai baissé les armes. Et faites confiance en moi. Confiance en moi. Et où vas-tu, ma bella? Où viens-tu, ma bella? Rien ne va plus, ma bella. Je reste planqué là. Avec une fichesse qui est planchée dans le bolide en montant. fois se mettre bien sur un yota. Je vais claquer tout ma paye, tout mon bénéf. Oh oui, au pays des ténèbres. Foncer dans le bar avec Ali, je l'emmène au pays des merdes. Des omnina au bilan de la veille. Pose pas trop de questions, oui, suis-moi ma belle. Oui, y'a du champ, pas du whisky, d'un vodka, de quoi te donner la migraine en réveil. fumée jusqu'aux pieds. Bijoux en top, non, c'est pas grave. T'as mis les chaussures trop courtes, mais sans chaussettes, hein. Je prends les gars, abusé. J'apprends les gars.

fais tourner la canette. J'passe CLM à tous les quartiers de la planète. Ça joue à PES, fais tourner la manette. Non, non, non, non, non, si, file pas net. Ne parle pas de sniffer, ne parle pas de rever. Au lieu de vivre à la ramasse, préfère crever. Mes petits frères préfèrent aller faire de la levée que d'aller réviser pour leur bug bug brevet. Pour ceux qui partent sur la case en IA, dans ma mère par rapport jusqu'à Marnia. Je fais bouger le boule de ta sœur pendant que les condés me mettent des coups de ta sœur. Bla bla bla. J'me la raconte jamais, chez nous y'a pas de ça. Celui qui joue la resta, on le va de ça. On va au charbon tous les jours pour les yébis. T'as cru que t'allais michonner qui, baby? Deuxième coupe, coupe, coupe, couplet. Je suis venu pour des coupes, coupe, coupe, coupe, coupe. Monsieur l'agent, si vous m'écoutez, coûte, coûte. Allez vous faire foot, foot, foot, s'il vous plaît. Rice suprême. Avec Fred et DJ Kays sur Skyrock. Je fais un tacle à la gorge comme un Vidal. Kays numéro 1 des DJ de la capitale. Fais péter le champagne, ouais, fais péter les bastos. Tu rouleras pas en gamme. On s'en joue en les cassos. Le RAP, ça paye pas. Bientôt, je me vesqui. Je m'arrache en Thaïlande. En jet ski. J'ai fêté le million et j'ai mon compte au Panama. Elle fait la meuf docile, mais c'est une vraie chétana. Tu la ramènes à l'hôtel, elle dit qu'elle a zéra gna gna. Je fais le tour de la ville en chantant la la la. J'ai fêté le million et j'ai mon compte au Panama. Elle fait la meuf docile, mais c'est une vraie chétana. Tu la ramènes à l'hôtel, elle dit qu'elle a zéra gna gna. Vas-y cousine, lève-toi de là. Je prends le large. Y'a la mèche qui rata. Faut que je le traîne avec moi. Rien qui me casse les couilles. Il passe du coq à l'âne. Il parle de sa gadi. Ensuite il parle faire un braquage. En route toute la nuit. Apple kiwi ou le banana. Elle fait trop la bonne et je la traîne par son bandana. Y'a les condés à ra. Je cache la salha. Mets ta ceinture bâtard. Ça va finir au star. Je fais le tour de la ville en chantant la la la. J'ai fêté le million et j'ai mon compte au Panama. Elle fait la meuf docile, mais c'est une vraie chétana. Tu la ramènes à l'hôtel, elle dit qu'elle a fait ragnagna. Je fais le tour de la ville en chantant la la la. J'ai fêté le million et j'ai mon compte au Panama. Elle fait la meuf docile, mais c'est une vraie chétana. Tu la ramènes à l'hôtel, elle dit qu'elle a zéra gna gna. En plein cœur de Rail Suprême, comme tous les dimanches sur Skyrock avec DJ Kays au platine. Là, tu vois, comme on a réchauffé l'atmosphère. Hein. Heureusement, on en a particulièrement besoin. Là, c'est les mois durs qui arrivent, on a besoin de toi, là, Kays. Voilà, comme t'as dit, le week-end n'est pas fini et il est loin d'être fini encore. Là, il nous reste au moins plus d'une heure de mix et on va bien se régaler. C'est ça qui est bon, c'est pas fini. Et puis, si vous voulez voir Kays près de chez vous, on va vous mettre toutes les dates, les infos sur les réseaux sociaux de Skyrock. Hein. Exactement, sur les réseaux sociaux. Donc, sur Facebook, DJ Kays, DJ espace KAYZ. Et Instagram, Twitter, tout est noté. côté et voilà, tout est indiqué et voilà, pour toute demande de booking, n'hésitez pas. C'est là-bas que ça se passe. Le mec est là, le mec est connecté. Yes. Et nous on est en direct sur Skyrock, hashtag Rail Suprême pour commenter l'émission. On regarde tout ça, on retweet, on like. Et Rail Suprême, c'est pas fini, on fait une petite pause, on revient dans un instant avec Kaizo Platine. Ah, la magie de Noël. Les illuminations, les cadeaux dans les magasins, les vitrines, le vin chaud. Oh, oh, oh, qui veut du vin chaud? C'est pas cher. Arrête, Romano, t'as reconnu. Sur Skyrock, c'est déjà Noël. Déjà Noël. Une Citroën DS3, des PS4 Pro, nickel. Des places de foot, super. Des iPhone 7, c'est génial. Des places de concert, c'est... des chèques de 1 500 euros. Alors toi aussi, n'attends pas Noël. Et tout à l'heure, écoute le morning d'Addy Fool entre 6h et 9h sur Skyrock. Merci beaucoup. T'as envie de te marrer? Télécharge Yax et découvre les dernières blagues inventées par le peuple Yax. Balance tes photos et tes dossiers et tape-toi des barres avec les autres Yaxeurs. Cherche pas plus loin. Cherche pas. C'est sur Yax que ça se passe. Yax. Kalash criminel. T'as découvert le rappeur cagoulé sur Skyrock. Dans le planète rap de Caris. Monsieur Kalash criminel. Ouais. Planète rap, mon gars. Arrête du cœur. Kalash sur la mélodie. Kalash criminel revient sur Skyrock pour te faire découvrir RAS, sa première mixtape. La planète rap Kalash criminel. 20h-21h, en direct avec Fred sur Skyrock. Monte le son, mon gars. Et en vidéo live sur l'appli radio Skyrock et Skyrock.fm. Édition Cosmos présent. DJ Mourad. J'ai bossé ça depuis des années. Si j'ai bossé, ben c'est pour les centimes. J'fais du sale, mon refrain, l'équipe passe pas fané. J'vais les laisser dans le déni, car ce soir j'suis dans mon délire. Ouais, bossé, ça devient terrible. Ouais. J'parle pas trop de folie, même mon bled, on est reconnu. Mon frère, dis-moi, qu'est-ce qui t'arrive? Ouais. Un blue lab, charlie, ouais, n'a pas rien dansé. Le DJ, mon ta copine est danger. On sera tard, le bled, ça va pas changer. J'suis toujours le même, y'a que l'état qui a changé. Y'a Younes, la France, in albu holo. Longue vie à nos potos. Yo man, t'es le jet set. J'passe à Clem à pour conso. J'ai dit ciao ciao à l'Europe. J'ai dit salam à l'Afrique. Ils ont tabac mon passeport. J'vais laisser tout mon fric. Marina joue l'un de pot. Pas dira Lucien Albo. Ferrari en Abeya. Comme si j'étais Dubaï. Où les blédards d'Irurubela. Suprême en direct sur Skyrock. C'est 2015, ok, je peux commencer.

pas des menottes. Je veux être le patron, pas d'employé du monop. Pour mes serpilles, je sortirai la carte gold. Corps nous attend pour R&B, faut qu'on part, boy. Oh, v'là le gosse, de Belize, l'alcool, yeah. Ralbol, tu t'es t'as mis v'là le gosse. Pas de bol, t'es fini de dire le bad boy. Non pas le don de se tenir. Harry, on n'est plus menaçant. On a pris du recul, on marchera plus ensemble. Samedi, on veut plus te mettre ensemble. On fait des narines et faire peur aux passants. Harry, on a des attitudes de Zarbi. Nous ressortons plus que des petits Zarbi. Là, c'est athée pour les mots, en gros, les Zarbi. En attendant l'apogée. En attendant l'apogée. Oh, hein. En attendant l'apogée. Yeah. Oui, en attendant l'apogée. Ah. Sur le beat, car très souvent ici les débits ça varie, yeah. Ça vit, reste attentif car à Paris ça varie, yeah. Ça vit. Rail suprême, c'est le temps de ça, one shot. Que les groupies s'échangent en geisha. Insulter la mère des gens gratuits ça paye pas. Comment t'expliques qu'on fasse des concerts jusqu'aux Pays-Bas, ha. Pays-Bas, Guadalajara. So good, voici baby. Tu veux des sons, ça chante, t'inquiète, j'en apporte moi. Laisse pas ton phone, je te rappelle si t'es Nathalie Portman. Hey, t'auras tout le temps de m'analyser. Je quitte pas la capitale, tout comme Mona Lisa. Après, rendez-vous au White Dream. Si je suis pas là, c'est que je suis au White Beach. Aujourd'hui tout le monde nous baratine. Mais tous les types parlent en white. What you mean, okay. 1, 2, 3, c'est pour toi ma chérie. Et pour tous mes straps, Tunisie, Maroc, Algérie. 1, 2, 3, c'est pour toi ma chérie. Et pour toute la France, Tunisie, Maroc, Algérie. Ça va vite, reste attentif, car à Paris ça va vite. Sois sur le beat, car très souvent ici les débits ça varie. Staying alive, feel the city breaking and everybody shaking. And we're staying alive, staying alive. Staying alive, staying alive. Staying alive, staying alive. Staying alive. DJ Kai's. Girls, what y'all trying to do? 24 karat magic. DJ Case, ambiance avec tous les sons du moment sur Skyrock. S'il y a du match, je suis présent tout le temps. Au maximum, jusqu'au bout. J'ai besoin d'air, claquer la porte, partir et jeter la clé. J'ai dit j'ai besoin d'air, choper mon fan et me barrer tout le temps. Moi je veux voir mes visages briller et voir mes potos kiffer. L'odeur de la viande grillée, on est tous là pour kiffer. J'me suis déconnectée, j'ai laissé tous mes problèmes de côté. J'me suis déconnectée, je mettrai sur répondeur tout l'été. Et j'écouterai Kiziki, du Tupac pour m'ambiancer. Posé au bord d'une piscine, j'ferai la belle comme Beyoncé. Ne m'appelle pas, j'suis pas là. Mon passé est maudit, j'ai mis les bagages dans l'audit. Je vis sous le ciel gris de Paris, mais je veux la même vue qu'à Bali. Le quotidien m'a rendu écrit, donc je démarre la caisse. Les vitres et les lunettes fumées au feu rouge, je donne toujours une petite pièce. Je débranche Twitter, Facebook, tout ce qui casse la tête. Dans le sud de l'Espagne, je pars faire la sieste. Ne m'appelle pas, je réponds plus. Un peu de weed, un peu de thune, je suis frais, je me fais bronzer les plumes. Je coupe le son et l'image, je fais un bisou au village. Dis-leur que j'ai pris le large. Je me suis déconnecté, j'ai laissé tous mes problèmes de côté. Je me suis déconnecté, je mettrai sur répondeur tout l'été. Et j'écouterai Tiki, du Tupac pour m'ambiancer. Posé au bord d'une piscine, je ferai la belle comme Beyoncé. Ne m'appelle pas, je suis pas là. La la la la la la la. Je désactive mes comptes, je suis avec mes gars. Je suis sous le soleil et je me balade. Ne m'appelle pas. Yeah. yeah. You wanna know? Well, well, well. The fashion is just to kill, so if you die, put on your dancing wear. In the place. Well, I gotta tell you so. Yes, I do. But I guess you never know. As I said, a story goes. Baby, now I got the flow. 'Cause I knew it from the start. Baby, when you broke my heart, that I had it come again. And show you that I'd win. Your love of mine. All those times I said that I love you. Your love of mine. Yes, I tried. Yes, I tried. Your love. J'ai croisé mon père. suis trop terre terre, j'ai du coton dans le sang. On est comme des petits pites frérot, nous on lâche pas le coup. J'ai pris de mon grand frère à ce qui paraît, j'ai la même tête. Je veux toujours dernier mot, j'ai un drôle de caractère. Qu'est-ce que t'as, tu m'aimes vendre des trous, je quitte mon poche, je m'en bats les couilles. Qui veut être, je crache des douilles, je passerai jamais à la fouille. Je suis à la tour 1, je vais à la tour 2. Récupérer Youssef et on se taille à la tour 3. 350 en shit, 250 en B, juste après je me calais avec une gadget à la tour 4. Tu piques du Tupac, tu pété ouais sous Jack. Avec les coupables, j'ai une tête coupable. Je suis à la K1. Ouais, je vais à la K2. Boum boum boum boum. Récupérer la frappe. Ouais. Dans le pochon bleu. Ouloulou. Je ferai de la tête aux pieds, le videur veut me pointer. Je sors un violet, là il veut me laisser rentrer. Toutes les gâchis me regardent de travers. Y'aura rien pour eux, moi je suis pas leur père. Oh mamacita, oh mamacita. Je suis pas en voiture, je te charge en Vespa. Fais pas la penteuse, ne me dis pas que je rappe bien, ouais, garde-le pour toi. Ne t'émunique pas, ne t'émunique pas. Y'a que les seins dans la pièce, ouais, tu veux que je cache quoi. Ce soir on s'enjaille, ouais, ce soir on t'enjaille. Bouteille de Belvédère, je ne bois pas de champagne. Tu rentres de travers, ouais, ouais, ouais, ouais. Et j'ai croisé mon père, boum, boum, boum, boum. Je suis rentré à l'hosto, ouais, ouais, ouais, ouais. Et il veut que j'en trop plaide. Et tout le monde fait, ouais, ouais, ouais. Pirate dans l'eau de mer. Je suis pirate dans l'eau de mer. Je suis pirate dans l'eau de mer. Je suis pirate dans l'eau de mer. Je peux te montrer les crocs. C'est pas le quartier qui me quitte. C'est moi qui te quartier. J'ai maillé, maillé, maillé déjà. J'ai pas paillé, paillé, fait des dégâts. T'as jeune cripeur de bombardier. J'vais te casser le dos, pas te marier. Me tiens pas la main, ça va parler. J'ai déjà pas m'en baissé sur le palier. Comme André Tchamé, oh j'suis médaillé. Pas mon lance négro, allez d'aller. La cuenta fut très très salée. Ta Allah, j'vais la faire chialer. Africa, tu n'as pas d'âge. Ils veulent te marier, marier, marier. Famille sera prise d'otage. À quoi sert d'être lion en cage? Envoie le H, les millions cash. Oh maïe, maïe, maïe. Madame la juge est lente de rage. J'ai mis trahi comme un sauvage. C'est pas le quartier qui me quitte. C'est moi, je quitte le quartier. J'ai maillé, maillé, maillé déjà. J'ai bataillé, taillé, fait des dégâts. Je n'entends pas toutes ces hyènes. J'ai pas un plat de thieboudienne. Même moi, je pourrais rougir de haine. Esclave n'a pas de remise de paix. Elle a le regard qui tue, tu quittes. Cheveux longs comme Nikita. Si elle me quitte pas, je la quitte pas. Tu quittes, tu quittes. Elle a le regard qui tue, tu quittes. Cheveux longs comme la nuit à m'ploter. Elle est pas dans le même deck que les filles d'à côté. Je la regarde dans les yeux en sirotant mon cocktail. Elle m'a vu dans le VIP, me prend pour un mec mortel. C'est pas que si elle se manque avec moi, j'ai Instagram. Je prends mon sang pour mon Facebook, comme moi j'ai pas Instagram. Elle veut me parler, me fait l'attendre la madame. J'ai rien pour toi, moi je vis toujours dans le bas de gamme. Je plonge dans ses yeux, je m'y noie. Je la regarde, je m'y vois. Je plonge dans ses yeux, je m'y noie. Je la regarde, je m'y vois. Elle a le regard qui tue, tu quittes. Cheveux longs comme Je vais te dire. avec mon équipe comme d'habitude. Toujours de l'attitude, personne s'y habitue. DJ K, frais avec ou sans thune. Puis je l'ai remarqué, et la petite m'a remarqué. Elle me provoque des maux de tête, j'ai même pas son fan tel qu'on s'est déjà contacté. J'ai jamais su son prénom, pourtant on a fait connaissance dans la pénombre. Posté sous les néons, avec un ange poussé par mes démons. Et j'avais besoin d'une danse. Et j'avais besoin d'une danse. Et j'avais besoin d'une danse. Et j'avais besoin d'une danse. Et j'avais besoin d'une. Je sais ce que tu veux. Tu sais ce que je veux de toi. Tu sais ce que je veux. Demande-moi. Juste demande-moi. Demande-moi. Juste demande. Ne reste pas seul dans ton coin. Et viens qu'on fasse le point ensemble. On s'est assez blessé, on revient de loin. À taper du poing le cœur ensemble. Des embrouilles, des galères, ça suffit. Des problèmes, s'il te plaît, n'en deviens pas. Je te regarde, je vois bien que tu te soucies. T'inquiète pas, pour nous je vois déjà loin. Car je sais ce que tu veux. Donc tu sais ce que je veux de toi. Tu sais ce que je veux. Donc je sais ce que t'attends de moi. Demande-moi. Juste demande. Demande-moi. Demande-moi. Juste demande. Right from my head down to my feet, and she didn't smile at me. I don't really know what it means. So, me, I'm in a bit of a limbo. Still, I will make a move on this young lady. Can I get your number, girl? Can I get your number, girl? Can I get your number, girl? Me, I wanna call you. See, I want your number, girl. Can I get your number, girl? Can I get your number, girl? Me, I wanna call you. Every man say fi come along. Go fi your sun tan inna the summer sun. If you want bleach, go back home. Go fi your umbrella cause the sun a burn. The young girl dem a bring it on. In a bikini dem in a pretty thong. You know fi shy girl bring it come. If you have a fool, fool man give it on. But more me come from you know. Pretty girl does a pose like domino. And the thongs dem a rub them down you know. Inna the shade with street girls from you know. Full of fun, you know. ATI, we are going on. Cherry Garden. Dream Weekend coming on. Minsboro Jackson. Smash, I got done, you know. La la la la la la la la la la la. My name is Roberto Amarula. Oh, have you seen my Amarula? So sweet and fine like Amarula. She comes in the morning Amarula. Still have her in my night time. Gives me hangover Amarula. But I don't care no. So smooth and clean like Amarula. Don't ever touch my Amarula. Shalele kamonga delele. Una mutima wakanyelele.

arriba, cintura sola, da media vuelta, danza cururo, no te canses ahora, que esto solo empieza, mueve la cabeza, danza cururo. Vai ficar parado. Quero ver mexer com duro. Balança que é uma loucura. Morena, vem a meu lado. E vai ficar parado. Oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi. É pra quebrar com duro. Vamos dançar com duro. Oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi. Seja moreno, loira, vem balançar com duro. Oi, oi, oi. Fred et DJ K sur Skyrock. On s'était dit, ça vaut tout l'or du monde. Et si on allait sur une île ou sur une planète vide, peu importe le prix, ça nous rendra plus fort. Tu prendras toutes mes gênes et toutes mes peines. Je ferai de même en prenant toutes les tiennes. Je serai fidèle, fidèle, fidèle, fidèle. Tu seras fidèle, fidèle, fidèle, fidèle. Tu prendras toutes mes gênes et toutes mes peines. Je ferai de même en prenant toutes les tiennes. Je serai fidèle. Observe le monde et médite. On s'est construit un empire qui nous ressemble vraiment. Et dire qu'on pensait être libre sans même tourner les pages du livre. Quand quoi rien n'est impossible, on a figé le temps. Tu prendras toutes mes gênes et toutes mes peines. Je ferai de même en prenant toutes les tiennes. Je serai fidèle, fidèle, fidèle, fidèle. Tu seras fidèle, fidèle, fidèle, fidèle. Tu prendras toutes mes gênes et toutes mes peines. Je ferai de même. Je serai fidèle, fidèle, fidèle, fidèle. Je serai fidèle, fidèle, fidèle, fidèle. Ma mère me dit, dans ces sages, laissez passer cet orage. C'est aujourd'hui qu'on déjà à fond, à fond. Je demande jamais l'accord ni le pardon. 9 de Imour et la belle Boson. Ils sont tu passes sur 300 saisons. Cette pute, je ne fais que la fumer. Mais mon poumon me supplie d'arrêter. Des longues histoires tiendront pas la route. Ferme ta gueule pour abréger. Quel paradoxe, hé. Dès le matin, je suis mal lunée. Crache sur nous, faudra assumer. Trouve-nous là où là tu n'es pas. Ici, on brasse autant qu'on bédave. Le Glock et le joint sont bien géchards. On en veut après ton héritage. Le pied et les yeux de chemin. Ma mère me dit que t'es sage. Laissez passer cet orage. C'est aujourd'hui qu'on brasse. Pas demain qu'on quittera le rage. Ma mère me dit que t'es sage. Laissez passer cet orage. C'est aujourd'hui qu'on brasse. Pas demain qu'on quittera le rage. $20 Je t'ai vu bien accompagné, comme moi. T'as posé trop de sentiments pour t'ignorer. Face à moi, tu m'attends. Pas à pas, tu me parles. Et devant toi, j'ai baissé les armes. Il faut que t'aies confiance en moi. Confiance en moi. Pas à pas, tu te dévoiles. Et devant toi, j'ai baissé les armes. Il faut que t'aies confiance en moi. Reste là, y'a danger. Tu t'avances et je suis paré à décoller. Tu veux t'amuser, pour ça j'ai pas le temps. J't'ai intimidé, je te demande pardon. Pas à pas tu me parles. Et devant toi j'ai baissé les armes. Il faut que t'aies confiance en moi. Confiance en moi. Pas à pas tu te dévoiles. Et devant toi j'ai baissé les armes. Il faut que t'aies confiance en moi. Que les filles d'à côté, je la regarde dans les yeux en sirotant mon cocktail. Elle m'a vu dans le VIP et me prend pour un mec mortel. C'est pas que si elle se manque avec moi, j'ai une Instagram. Je prends mon sang pour mon Facebook, moi j'ai pas Instagram. Elle veut me parler, me fait l'attendre la madame. J'ai rien pour toi, moi je vis toujours dans le bas de gamme. Je plonge dans ses yeux, je m'y noie. Je la regarde, je m'y vois. Je plonge dans ses yeux, je m'y noie. Je la regarde, je m'y vois. Elle a le regard qui tue, qui dort. Cheveux longs comme qui dort. Si elle me quitte pas, je la quitte pas. Cheveux longs comme Nikita. Si elle me quitte pas, je la quitte pas. Tu quittas, tu quittas. Mais où t'étais, girl? J't'imaginais comme ça quand j'étais seul. Des fois tu me fais la gueule. Rien qu'on fait les faire, rien qu'on s'engueule. J'vois plus rien devant son boule magique. Je mets pas, je deviens très nostalgique. Elle s'est fait belle, ouais, elle s'est fait les ongles. Elle a fait les plaques sur ses cheveux lambeaux. J'l'aime bien, elle est gentille et simple. Pas besoin d'aller la chercher en lambeaux. Elle me trouve beau, même quand je le suis pas. Suis-moi, je te suis, elle, je la suis, elle me suit pas. Elle a le regard qui tue, qui dort. Cheveux longs comme qui dort. Si elle me quitte pas, je la quitte pas. Tu quittas, tu quittas. Elle a le regard qui tue, qui dort. Cheveux longs comme qui dort. Si elle me quitte pas, je la quitte pas. Tu quittas, tu quittas. Elle a le regard qui tue. Elle voulait juste les papiers. Tu pensais qu'elle t'aimait, mais elle avait son job. Et tu lui as tout donné. Tu payais même le loyer. Elle avait son job. Elle voulait juste les papiers. Elle a quitté le foyer. Tu l'as cherché, mais elle avait son job. Inutile de le nier. Elle a volé ton cœur, sans même dire un mot. Tu ne peux plus l'oublier, ça y est. Elle connaît toutes tes peurs et tous tes défauts. Fini de jeter le chat par la fenêtre. Sinon le diable va devenir ton proxénète. L'amour en t'aveugle va t'acheter des lunettes. Tu t'es perdu mais tu veux te marier. Salut tout le monde, c'est DJ Kays. On se retrouve tous les dimanches soirs sur Skyrock pour Rail Suprême. Je vais claquer tout ma paye, tout mon P9. Oh oui, au pays des ténèbres. Fonce des dents.

à la banque, changer mes punchlines. J'me tape des barres, j'regarde des vannes quelque part en Espagne, dans une villa design. Vamonos, vamonos, vamonos. Laisse tomber tous ces boros, ces boros, ces boros. Ma chérie, vamonos, vamonos, vamonos. Laisse tomber tous ces boros, ces boros, vamonos. Un, deux, toi et moi, Panama ou les Bahamas. Prends ton temps, j'te laisse le choix. Y'a que le luxe, le calme n'est pas là. J'suis en mode carrière, y'a pas de transfert. Yeah. خايف نحصل لنا فاطمة زوينة عايشة حنينة Rail Suprême. C'est Rail Suprême sur Skyrock. فيها صوتك بتكتب بكرة في شروطة دي بشرة خير قومنا يا صعيدي وابن أخوك البورسعيدي والشباب الاسكندراني لما دي لمة رجال وانا هاجي مع السوهاجي والقناوي والسيناوي والمحلة واللي مية مية والنوبل جمال ما توصيش السويسة الدنيا هايصة كده كده والاسمع اللوية يا مكان العدة كلمني عشر أقوى وإحنا ويا بعض أقوى وإحنا ويا بعض أقوى وأملنا كبير Retrouve-moi tous les dimanches soirs à partir de minuit pour Rail Suprême. On Skyrock. Ok, ok. خاطر تلومان الحفل يديروها والليل يربلوها راهي انا موت في خاطر تلومان I'm Ciao ciao à l'Europe, j'ai dit salam à l'Afrique. Ils ont tabac mon passeport, je vais laisser tout mon fric. Marina joue l'un de peau, va dire à Lucien Albo, Ferrari en Abaya, comme si j'étais Dubaï. Et ben voilà, Rail Suprême terminé pour ce soir. C'était le feu, hein, mec. Ouais, c'est le feu, ouais. Bah, comme t'as pu le constater, on met de tout. Tout, des classiques, que ça soit de l'oriental, des musiques qui bougent. Voilà, on se croit en soirée. Donc, je me suis bien ambiancé, mec. C'est ça. J'ai été ambiancé hier soir dans une soirée, mais là, ce dimanche soir, on met ça aussi, c'est ça. Ouais, ouais, comme on, je t'ai dit. On met ça dimanche prochain aussi. Est-ce que Fred sera de retour? Suspense. Ah, en tout cas, toi, tu seras là comme tous les dimanches. Il nous manque. Bah oui, dédicace à toi, Fredo. Minuit, 2h, Rail Suprême tous les dimanches. Merci beaucoup, Kaïs. Allez, merci à vous aussi. Et moi, je vous retrouve demain à 16h pour le 16-20. Là, c'est parti. Grosse nuit sur la première radio urbaine mondiale, rap par NB non-stop sur Skyrock. Calage criminel.